meilleur de l'émission autour de vous avec Laura sur Radio Guémozo. Bonjour tout le monde, c'est Laura, j'espère que vous allez bien, que tout va bien pour vous. Soyez les bienvenus dans mon émission Autour de vous. Aujourd'hui dans les studios de Radio Guémozo, je reçois Monsieur Demange et Madame Renaud. Bonjour, comment allez-vous ? Bonjour Laura, très bien, merci pour votre invitation. Merci Bonjour, à vous d'être là. Est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots à nos auditeurs ? Oui, alors bonjour à toutes et à tous. Je suis Sandrine Renaud, adjointe à la mairie de Saint-Étienne-lès-Brémond en culture, sport, loisirs et vie associative. Bonjour à vous toutes et tous. Michel Demange, maire de la commune de Saint-Étienne-lès-Brémond depuis 2008 et très heureux d'être dans vos studios. Nous allons parler d'un événement que vous organisez, c'est le marché d'avant-l'avant. Alors c'est quoi le marché d'avant-l'avant ? Alors, comme ça veut le dire, marché d'avant l'avant, c'est avant l'avant. Mm-hmm. Donc, c'est pourquoi nous le faisons le 19 et 20 novembre. C'est notre deuxième édition. Donc, cette année, c'est un petit peu plus complet que l'année dernière. L'année dernière, on avait encore un petit peu des soucis avec le Covid. Donc, on n'a pas eu trop d'exposants. Là, cette année, vraiment, on a 27 exposants, artisans qui vont venir. Et voilà, notre salle va vraiment être bien remplie cette année. Avec effectivement, en extérieur, une installation de 4 chalets qui vont recevoir également des associations telles que l'association récréative portugaise, le Rotary Club, l'amicale du personnel et également Angélique qui nous fait ses fameuses crêpes, gaufres et autres confiseries. Est-ce qu'au marché, on pourra avoir du savoir-faire vosgien avec les artisans ? Ah oui, tout à fait. Alors, il y a beaucoup de locaux, hein, effectivement. Donc, nous aurons de multiples créations. Alors, je vous donne un petit peu des exemples. Nous aurons de la couture pour petits et grands, de la savonnerie artisanale, la maroquinerie en liège, des bijoux fantaisie, bijoux en verre de Murano, bougies, enfin bon, des dessins, crayons, broderies. Bon, il y aura vraiment beaucoup de choses pour de quoi faire des beaux petits cadeaux de Noël. Et puis bon, voilà, c'est vraiment de l'artisanat local. Comment est-ce que vous avez contacté les participants ? Alors au départ, beaucoup par internet, hein, donc voilà. Après, bon, on a aussi ceux qui ont fait l'édition l'année dernière, donc après ça s'est un petit peu diffusé. Et puis ils nous contactent, il y en a beaucoup qui nous contactent en fait, et voilà, qui nous proposent de venir, et nous les accueillons avec plaisir. Beaucoup le bouche à oreille également. C'est beaucoup le bouche à oreille, oui. Mais souhaitons simplement avoir le même temps que l'année dernière, parce que l'année dernière on avait pendant 2 jours un soleil magnifique, et effectivement c'est propice à la réussite de ce genre de manifestation. Est-ce qu'il existe des conditions pour pouvoir exposer au marché d'avant l'avant ? Non, il n'y a pas de conditions. Nous, faut être artisan. Et puis, non, on n'a pas de conditions particulières. Est-ce que vous avez découvert certains participants par hasard ? Non, parce qu'en fait, bon, comme c'est eux qui nous contactent, voilà, après, on ne les connaît pas forcément. C'est-à-dire que là, on va les rencontrer. Parce que nous, on fait beaucoup d'échanges par mail. Mm-hmm. Donc, on va seulement les rencontrer le jour du marché. Donc après, effectivement, ils vont se faire connaître. Et puis, nous aussi. Il y a un contact de leur part suite à la publicité qu'on a fait et suite à la mise en place de la communication. Et donc, ils se présentent, ils s'inscrivent et le jour de la manifestation, ils s'installent et on les accueille pendant 2 jours, tout simplement. C'est pas comme un vide-grenier. Un vide-grenier, effectivement, il y a des inscriptions, mais le jour du vide-grenier, chaque personne peut encore venir s'il y a de la place installée. En ce qui concerne le nombre de places dans la salle, elles sont limitées. Et donc, c'est une pré-inscription en amont qui se fait pour qu'on puisse accueillir tout le monde dans de bonnes conditions. Comment est-ce que les exposants choisissent leur emplacement ? Alors, en fait, c'est simple. Hein. Nous, tout se passe dans la salle multi-activité. Donc, c'est nous qui plaçons les exposants. Après, bon, eux, ils demandent le nombre de tables qu'ils souhaitent. Et puis, nous, en fonction, on les place. Il n'y a pas vraiment de place précise. Il n'y a pas d'exigence, en fait, de leur niveau. Après, nous, on les place, voilà. Au fur et à mesure qu'ils arrivent, leur place sera précisée le jour-là. Et puis... Combien de temps il faut pour mettre un tel événement en place ? Un petit moment, parce qu'en fait, pour tous les artisans, donc ça fait un petit moment, ça fait bien peut-être 3-4 mois qu'on est déjà sur le projet. Parce que bon, effectivement, il y a aussi les chalets en extérieur, donc il faut faire venir des chalets, hein, c'est pas forcément, c'est pas facile, donc il faut réserver les chalets. Puis ensuite, il faut contacter toutes les associations qui souhaitent participer. Et puis après, les artisans. Donc c'est vrai que ça prend un peu de temps, environ 4 mois avant, quoi. Alors justement, vous parlez d'animation, il y aura quoi comme animation ? Alors l'animation musicale sera donc par Radio Gemozo, donc les deux jours, hein, samedi et dimanche. Donc ils avaient déjà participé l'année dernière le samedi et c'était vraiment ça, s'est très bien passé. Donc c'est pour ça que nous, on a voulu qu'ils reparticipent et puis ils étaient bon, tout à fait d'accord. Donc voilà. Sinon, pour les enfants, j'allais dire, mais aussi pour les adultes, nous avons donc deux clowns qui vont venir. Donc le samedi sera Larico fait son show. Et le dimanche, c'est Toff Blanc. En fait, c'est un spectacle de jonglerie clownesque déambulatoire et sculpture sur ballon. Parce que les gamins, comme ça, le temps que les parents fassent leur petit tour, là, on va occuper un petit peu les enfants. Puis les adultes aussi, quand même, parce qu'on aime bien aussi. Voilà. Est-ce qu'il y aura une buvette ? Alors oui, tout à fait, une restauration. Donc en fait, on parlait des chalets extérieurs. Donc chaque association va présenter ses produits. Donc évidemment, comme l'association portugaise va faire des spécialités portugaises. Le Rotary, je vous donne un petit peu comme ça, il y aura des escargots, des huîtres, du vin blanc, champagne. Sinon, l'amicale va nous présenter des Flammkuchen et des pizzas. Aussi du chocolat, du vin chaud, du jus de pomme. Et puis, il y a Angélique. Donc, c'est un stand. Alors là, ce sera du sucré. C'est gaufres, crêpes. Enfin, c'est assez complet, en fait. Hein. Je veux dire, au niveau restauration, alors là, il ne faudra pas hésiter. On peut faire un repas complet avec tout ce qui va être présenté. Et alors, je crois aussi, on a quand même un... je ne sais pas si on avait précisé, hein, le quatrième chalet, c'était l'association des parents d'élèves de Cleury en collaboration avec les boissons jolies de Saint-Étienne-lès-Miremont. Donc, eux, c'est pareil, ils vont faire de la bière de Noël et puis de la liqueur. Il y aura des coffrets cadeaux également. Voilà, ils vont faire des beignets râpés. Enfin, voilà, il y aura plein de bonnes choses. Donc, il ne faut pas hésiter à venir faire le repas le midi, le soir, samedi et dimanche. Est-ce qu'il y a des partenaires et des sponsors pour cette manifestation ? Non, non, non, on ne fait pas appel à des sponsors ou des partenaires, non. Non, non, c'est organisé par la municipalité, ouais, par la commune, avec l'aide de certaines associations, comme le disait Sandrine. Et j'allais dire, on manque de plus en plus de bénévoles. Hein. Ah oui. Là, j'allais dire, Saint-Étienne, comme d'autres communes et comme en France, le bénévolat se fait de plus en plus rare. Et il est très difficile de mettre en place ce genre d'opération maintenant. Comment vous est venue l'idée de créer un marché d'avant-l'avant, comme ce n'est pas la première édition, mais comment ça vous est venue l'idée d'organiser ça ? Bah, en fait, au départ, ça ne se faisait pas sur Saint-Étienne. Et puis, c'est vrai qu'il y a beaucoup de marchés de Noël, hein, donc, qui commencent après l'avant, donc le week-end d'après. Et puis nous, on s'est dit, pour faire un petit peu plus d'originalité, on va faire avant l'avant. Voilà, puis c'est comme ça que c'est venu. Et puis finalement, on s'est rendu compte que c'était très bien parce que les artisans, ils nous le disent. Hein, comme il y a beaucoup de marchés après, ils sont beaucoup pris. Et puis nous, on est avant, donc ils viennent avant, c'est parfait. Voilà. Le plus connu dans le coin étant bien évidemment Plombière. Hein. Oui. Et puis bon, celui de Remiremont est aussi assez prisé. Mais effectivement, il fallait un petit quelque chose sur la commune. On a souhaité effectivement mettre une animation le week-end d'avant, tout simplement. Qui est à l'origine de cet événement à la base ? C'est toute l'équipe municipale en fait. Hein. On était tous ensemble, on se réunit et puis on parle de projets. Et puis voilà, on est tous à discuter et puis ça vient comme ça. Est-ce que c'est vous, Madame Reynaud, qui est en charge de cet événement, du coup, comme vous êtes... Alors oui, effectivement, comme je suis adjointe culture, tout ce qui est animation, effectivement, c'est moi avec l'aide de Tiffaine Pierra. Donc, qui est responsable du service animation à la mairie de Saint-Étienne. Donc, on travaille toutes les deux et ça se passe très, très bien. D'ailleurs, je la remercie. il sera signalé quand même parce qu'on entre dans une période festive où il y a des illuminations un peu partout. On va installer effectivement... Beaucoup de communes vont installer leurs illuminations de Noël, mais vous n'êtes pas sans savoir qu'en ce moment, on traverse une crise sans précédent, une crise énergétique où le gaz et l'électricité ont pris des valeurs, un coût exponentiel. Et donc, pour alerter les Stéphanois, on vous signale que des illuminations de Noël aériennes, il n'y en aura pas cette année, hein, par souci d'économie. Nous mettront simplement des décorations au sol en ce qui concerne le rond-point de l'avenue de l'Europe, l'espace de jumelage et le rond-point des grands moulins, tout simplement. On mettra 2-3 sapins aux abords de la salle multi-activité pour ce marché d'avant l'avant. Mais sinon, j'allais dire, il faut que nous envoyions, nous, municipalité, et moi, maire, en tant que gestionnaire des fonds de la commune, un message à la population pour signifier qu'on est conscient que l'énergie a un coût et qu'on ne peut pas faire n'importe quoi avec l'argent des autres. Je voudrais reparler justement de la décoration, parce que je tiens aussi à préciser que... Alors, bon, il y a la décoration extérieure, évidemment, mais nous aurons également de la décoration à l'intérieur de la salle. Et en fait, c'est les enfants donc, qui sont inscrits au centre de loisirs sous la direction de Jocelyne Beckrist qui viendront décorer donc, la salle le jeudi et avec toute leur fabrication. Et je pense que ça va être très, très bien. Alors justement, parler des économies d'énergie, est-ce que les habitants de la commune devront, entre guillemets, éteindre par exemple leur sapin plus tôt ou pas? Les décorations extérieures, est-ce que c'est la commune qui décide ou... Non, sur le fond, non. Nous avons décidé en réunion plénière du conseil municipal de prendre certaines mesures. Donc, à savoir, l'éclairage de l'hôtel de ville est supprimé depuis quelques semaines déjà. L'éclairage autour de l'espace Pont des Fées, salle multi-activité, s'éteint à partir de 21h le soir. Et sous quinzaine, nous n'aurons plus qu'un éclairage sur deux, voire un éclairage sur trois, de façon à faire des économies d'énergie. On estime le retour sur investissement l'année prochaine à environ 12 ou 13 000 euros d'éclairage public. Est-ce que vous pensez qu'on va se sortir de cette crise ou pas? C'est une bonne question. Je ne suis pas Madame Soleil. Il est certain que cette crise est le fait de la guerre en Ukraine avec les Russes. Une guerre, on ne sait jamais combien de temps. On sait quand elle commence, mais on ne sait jamais quand elle finit. Après, il va falloir faire le dos rond. Il est certain que ce conflit ukrainien-russe génère une inflation galopante en ce moment. Il faut remarquer quand même que, même si on n'est pas toujours tous d'accord avec le gouvernement, il faut remarquer quand même que le bouclier énergique mis en place en ce qui concerne la limitation du coût de l'électricité et du gaz à hauteur de 15% permettra quand même à nos populations de, je ne veux pas dire de sortir sans encombre de cette crise, mais enfin de la traverser du mieux possible, je pense. Est-ce que vous avez prévu des animations, par exemple pour la Saint-Nicolas ou quelque chose comme ça, les autres animations à venir après le marché d'avant-l'avant? Non, pas à la Saint-Nicolas, non. Ça ferait trop rapproché. Et de plus, j'allais dire, on se ferait concurrence avec Remiremont, qui a également fait une Saint-Nicolas depuis des lustres. Donc, non, je reconnais que Remiremont nous a contactés, nos municipalités et les associations de la commune, pour savoir si d'aucuns voulaient participer au défilé en confectionnant un char. C'était sympathique de leur part, mais je crois qu'on est contacté régulièrement. Il y a le rugby qui va participer, d'accord. Oui. Donc, et il y aura combien d'associations qui travaillent avec vous justement pour le marché d'avant-l'avant à peu près? Là, en fait, les associations, c'est les associations qui seront dans les chalets. Mm-hmm. Mais en fait, c'est tout, hein, parce que dans la salle, c'est que tous les artisans. Donc en fait, il n'y a aucune association... Donc voilà, c'est vraiment au niveau restauration. Et puis après, bon, pour eux, c'est aussi, ça permet d'avoir des bénéfices aussi pour eux, hein, puisque voilà, ils vendent leurs produits, donc c'est quand même aussi intéressant pour eux. Est-ce que vous avez prévu d'autres événements après le marché d'avant-l'avant? Alors après, oui, donc le week-end d'après, donc le dimanche 27, nous avons la venue du magicien Clément Demangel. Donc il nous présente son spectacle « Magie et mentalisme ». Donc voilà, au tarif de 10 euros et c'est gratuit pour les enfants jusqu'à 12 ans. Et moi, je recommande fortement parce qu'il est déjà venu l'année dernière avec un autre spectacle et c'est vraiment très, très, très, très bien. Et d'ailleurs, j'en profite pour préciser que nous avons les ventes de billets qui se feront en mairie ce samedi-ci de 10h à 12h et également à la SMA le jour du marché d'avant-l'avant, pareil de 10h à 12h. Est-ce que vous avez établi un premier jet de l'agenda des événements à venir pour l'année 2023 ou pas? Est-ce que vous avez déjà quelques idées? Alors oui, effectivement, on a déjà quelques idées, mais enfin pour l'instant non, c'est pas... Enfin, on a déjà, mais c'est pas encore précisé. Mais bon, comme chaque année, on fait une réunion aussi avec toutes les associations. Donc généralement, elle se fait en fin d'année ou en début d'année. Donc là, elle aura lieu et on verra aussi avec toutes les associations ce qu'elles vont présenter comme spectacle. Et puis nous aussi, avoir nos spectacles à nous. Donc voilà, puis bon, ça se rajoute aussi au fur et à mesure de l'année, je veux dire, hein, c'est pas figé. Donc voilà. Est-ce que vous auriez un appel à lancer aux personnes qui voudraient venir voir le marché ? Un appel, eh ben moi je leur dis de venir. Oui, bah effectivement. Ils ne seront pas déçus. Moi je pense qu'ils ne seront absolument pas déçus. Alors ce que je souhaite aussi dire, c'est entrée libre évidemment. Mm-hmm. Donc le marché a lieu, alors je précise quand même, il a lieu de 10h à 19h et le samedi et le dimanche de 10h à 18h, donc pour ce qui est de la salle. Après en extérieur, hein, il faut bien préciser qu'effectivement 19h, bon les chalets vont pas fermer à 19h. Les gens ils sont en train de manger, on va laisser, voilà, là, ça va continuer un peu plus tard. Si les personnes désirent venir à 19h30, il n'y a pas de souci, il y aura à manger, enfin, il y aura encore du monde, quoi. Mais voilà, faut vraiment pas hésiter à venir. Ça, je pense qu'il va être très, très bien. Il y aura une belle animation, il y aura beaucoup, voilà, beaucoup d'artisans, enfin. Puis surtout pour éventuellement faire des petits cadeaux pour Noël, hein, il faut, mm-hmm. voilà, faut s'y prendre longtemps à l'avance et je pense qu'il y aura de quoi faire. Donc voilà, ça sera un petit peu bien, un programme complet. C'est bien des fois de s'y prendre à l'avance parce que quand on s'y prend à la dernière minute. Oui. Non, c'est pour ça. C'est pour ça qu'on le fait avant. Parce que je me disais, mais c'est bizarre comme non, l'avant. Je me disais, c'est quoi l'avant ? Bah oui, c'est les semaines qui précèdent Noël. Voilà, tout à fait. Donc voilà. Hein, donc l'avant, bah, ça commence à partir du 27 normalement. Mm-hmm. Donc, et puis tous les mois, toutes les semaines jusqu'à Noël. Et nous, on fait avant l'avant. Donc ça sera toujours à la même date en fait. On sait c'est quand l'avant, quand il y a le calendrier de chocolat qui arrive. Eh ben c'est ça. Voilà, c'est ça, tout à fait. Est-ce que vous auriez quelque chose à ajouter, monsieur le maire ou madame Renaud ? Non. On est très heureux, effectivement, des animations qui se passent dans la commune. Mm-hmm. Et en ce qui concerne les manifestations prévues l'année prochaine, en plus de ce qui se fait habituellement, je pense qu'on va retrouver la Chavande. Je pense qu'on va retrouver notre feu d'artifice du 14 juillet, les classiques, le parcours du cœur, la marche populaire. Et puis, on va essayer, sur le plan culturel, de renouveler les opérations qu'on fait depuis 2 ans maintenant, c'est-à-dire de faire venir une belle pièce de théâtre, tout comme on l'a fait l'année dernière avec adopteunjules.com et le mois dernier avec Le Clan des Divorcés. Je pense qu'à la rentrée de 2023, on pourra également proposer aux Stéphanois et aux habitants du territoire une belle pièce de théâtre. Justement, Le Clan des Divorcés, ça a bien fonctionné, il y a eu beaucoup de spectateurs ? Bah, disons qu'on a fait 50% de remplissage de la salle. C'est un peu décevant par rapport à ce que nous escomptions. Je pense que le producteur auprès de qui nous avions acheté ce spectacle n'a pas rempli son rôle de communicant et de publicitaire. Donc nous allons en tirer pour l'année qui vient des mesures et on va peut-être passer par un autre truchement pour trouver une personne peut-être un peu plus compétente. Donc pour qu'un événement fonctionne, il faut que la communication soit bien faite. Ah, c'est primordial. C'est l'essentiel, c'est la primordial. Communication. Sans com, vous n'avancez pas. Hein. Non. D'accord. Justement, vous avez déjà reçu quoi comme pièce de théâtre, comme spectacle ou autre ? Organisé par la commune, je vous le disais il y a un instant, en 2020 c'était c'était adopteunjules.com. En octobre 2022 c'était une pièce d'Alil Vardar, Le Clan des Divorcés. C'est le genre de pièce, les pièces d'Alil Vardar, avec lesquelles on est sûr de faire un carton. Malheureusement, Saint-Étienne, ça n'a pas été le cas. J'ai d'ailleurs eu au téléphone le frère d'Alil Vardar qui m'a demandé pourquoi ça s'était mal passé. Je lui ai expliqué pourquoi. Et donc, il m'a dit qu'à l'avenir, si nous souhaitions faire une pièce qu'a écrite son frère, je le contacte directement. Le tarif serait moindre et la communication en serait meilleure. Donc, je pense que je vais partir sur cette optique. Et quels autres genres de manifestations il se passe dans la commune de Saint-Étienne-lès-Remiremont dans la nuit ? Samedi dernier, j'allais dire, avec on a fait une association avec PACCT et les communes de Saint-Étienne, Saint-Nabord et Remiremont pour avoir effectivement des spectacles qui nous sont proposés. Samedi dernier, c'était autour de Saint-Étienne et Remiremont d'accueillir Arnaud Demanche, un humoriste parisien qui a une chronique sur RMC, Radio Monte Carlo, tous les jours. J'ai dit, les personnes qui ne sont pas venues voir peuvent le regretter parce qu'on a passé excellent. 2 heures de temps, 2 heures où on était totalement déconnectés de l'actualité, même si lui nous y remettait en permanence. Et c'est quoi comme genre d'humour ? C'est de l'humour noir, non ? C'est ça ? Non. C'est non. Non, c'est pas de l'humour noir, c'est effectivement assez grinçant tant sur les politiques que sur l'actualité, que sur le couple, que sur... Il a un panel qui est assez vaste et qui effectivement, chacun peut en prendre pour son gré. S'il venait à faire un prochain spectacle, est-ce que vous souhaiteriez qu'il revienne? Ah bah pourquoi pas, mais bon, un spectacle nécessite, je pense, des années d'écriture, donc on n'est pas prêt de le voir revenir, si ce n'est peut-être 2024, 25 ou 26, on ne sait jamais. Si tout était possible, qui voudriez-vous faire venir à la commune de Saint-Étienne, en spectacle ou autre chose? C'est vaste. Tout le monde est, je sais pas, bon, moi je cite des artistes, Florence Foresti, je pense qu'elle fera un tabac. Oui, il y en a beaucoup. Gad Elmaleh, hein, Muriel Robin, que je suis allé voir l'année dernière au Zénith à Nancy. Il faut, comme vous dites, si tout était possible, voilà, c'est de toute façon, le possible c'est l'argent. Voilà, d'accord. Donc, le cachet, le cachet fait la venue ou pas de l'artiste. Donc, dès l'instant qu'on atteint des montants de 50, 60 ou 100 000 euros de cachet, honnêtement, c'est pas pour nous. Tout dépend si l'artiste est gourmand, en fait, c'est ça. C'est ça, absolument. Tout à fait. Vous parliez des feux d'artifice. Est-ce que vous en avez souffert par rapport à la sécheresse cette année? Est-ce qu'il y a eu des feux d'artifice cette année ou pas? Parce que ça a été annulé dans pas mal de communes. Oui, mais en fait, nous, on les avait déjà faits avec la Chavande, on les fait au mois de juin. Ensuite, au 14 juillet. Et les problèmes de sécheresse, je pense, étaient plus vers le mois d'août. Donc nous, on n'a pas été impactés. Mais c'est vrai que effectivement, si l'année d'avant on avait reculé au mois d'août, oui, bah on aurait été aussi embêtés. Hein. Après, à voir pour les années à venir, on verra bien. C'est tout ce qu'on espère. Bah après, je sais que à cause de la sécheresse, il y a certaines communes qui interdisaient les barbecues, les pique-niques en forêt, tout ça. Oui, oui. C'est pas certaines communes, c'est un arrêté préfectoral qui interdisait tout ce qui était feu en forêt, barbecue et autres, parce que c'est vrai que il faut pas se leurrer avec le dérèglement climatique. On s'aperçoit que nos forêts sont également soumises aux incendies qu'on trouve dans le Midi. Preuve, ce qui s'est passé au Ménil. Ce qui s'est passé à Saint-Étienne, puisqu'il y a eu également des départs d'incendie. Et pour que des canadaires commencent à venir faire des essais dans notre département, c'est qu'il faut se préparer dans les années à venir à ce que les incendies de forêt soient de plus en plus nombreux. Je ne le souhaite pas, mais c'est un risque que effectivement le département court maintenant. Il y a des gens qui ont des problèmes de civilité, qui jettent leur masque par terre, qui jettent aussi leurs cigarettes, et c'est comme ça que ça déclenche des feux aussi. Ben dans le sud, c'est comme ça que ça se passe. Oui. Les mégots qui sont jetés par la fenêtre, des voitures sur l'autoroute et autres. Oui, ben ça, les incivilités, ça coûte. On a vu ce qui s'est passé dans le sud-ouest, à Bordeaux, le camping des Flots Bleus, la dune du Pilat et tout. C'était catastrophique, catastrophique. Il faudra des décennies pour refaire le paysage qu'ils avaient avant ces incendies. J'avais été dans le sud il y a quelques années et les gens, ils jettent vraiment n'importe quoi à la mer. Quoi. Ils prennent ça comme une poubelle et ils ne pensent pas aux êtres vivants qui sont là. Et puis ça pollue même le paysage. Vous parlez de la mer, le septième continent, c'est la fameuse poubelle, le fameux continent de plastique et autres détritus qui effectivement jonche nos mers. Il faudrait des années et des années pour tout nettoyer. Mais maintenant, on est parti dans un cycle, je ne veux pas dire irréversible, mais il faudra du temps pour laisser une planète propre à nos enfants et petits-enfants, parce que nous, on ne verra pas les constats de ce qui se passe aujourd'hui. Par contre, ce qui est à craindre, c'est qu'eux, ils aient une vie plus difficile d'ici 40 ou 50 ans. On parle de la mer, mais aussi, il faut penser aussi à nos forêts, parce qu'on trouve aussi pas mal de déchets aussi dans les forêts. Donc c'est vrai qu'il faut que chacun fasse attention un petit peu à sa façon de faire, quoi. Bah, si chacun prend ses responsabilités, il y a moyen d'arranger les choses. Encore tout faut-il à fait. Que les gens le veuillent. C'est ça le problème. Ouais. Vous ne pourrez pas, excusez-moi d'employer ce terme, mais vous ne pourrez pas empêcher une bande d'abrutis qui représente 0,00, peut-être 1% de la population, de faire ce qu'ils veulent et de mettre en danger notre planète, nos forêts, nos... Vous savez, on peut s'attendre à tout. Hein. Est-ce que vous auriez quelque chose à ajouter pour la commune? Rien de spécial. La commune, elle vit sa vie tranquillement, normalement. On essaie de faire pour le mieux dans l'intérêt de la population. Et puis voilà. Hein. Voilà, en espérant que nos spectacles plaisent, moi je pense. Et puis voilà, il faut venir nombreux. Et puis pas hésiter à faire de la publicité autour de nous. dans toutes les autres communes. Et je voudrais quand même juste repréciser aussi que vendredi, parce qu'on n'en a pas parlé, il y a le cyclocross sur Saint-Étienne-lès-Miremont. C'est organisé par les sports cyclistes stéphanois en mémoire à Michel Beaulemont. Et qui est Michel Beaulemont? C'était un stéphanois bien connu qui a effectivement, qui s'est occupé du vélo il y a des décennies de ça dans la commune. Et donc, c'est ce prix tous les ans au 11 novembre lui est dédié, tout comme est dédié à Jean-Claude Vaubourg. Le prix de la municipalité, c'est en mai, par contre, de chaque année. Cette émission est maintenant terminée. Monsieur Demange et Madame Renaud, merci d'avoir été avec nous. Bah écoutez, moi je vous remercie, c'était un plaisir. Merci pour cette invitation. Oui. Bah merci à vous d'être venu. J'espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie et que vous reviendrez nous voir. On va avec une plus plaisir. Longue émission. Avec plaisir. J'espère également que de nombreuses personnes viendront voir le marché d'avant-l'avant. Quant à nous, auditeurs et auditrices de RGM, on se retrouvera très prochainement pour une nouvelle d'Autour de vous. En attendant, portez-vous bien. C'était Laura. Bye tout le monde.